La hiérarchie vibratoire, voilà le thème de la conférence. Avant de l'aborder à proprement dit, je veux prendre un instant pour remercier particulièrement les gens qui, au fil du temps, m'ont fait parvenir des contributions financières en soutien à mes activités de diffusion web, de par les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Vous allez d'ailleurs retrouver les coordonnées là, à cet effet, Laurent Beau, de l'enregistrement présent. Ce que je veux mentionner en particulier pour les gens qui me font parvenir de l'argent via le service de paiement sécurisé PayPal, eh bien, c'est sûr que dans mesure du possible, je préférerais que vous sélectionniez que c'est pour envoi d'un paiement à un ami plutôt que paiement d'un objet ou d'un service. Lorsque vous me faites une contribution financière via PayPal, car sinon, cette façon de procéder pour faire un paiement sécurisé va prendre un pourcentage du montant que vous allez m'acheminer. Donc, un pourcentage là, du montant d'argent là, qui est retenu. Donc, l'idée, c'est que si, par exemple, quelqu'un me fait un virement d'argent comme ami PayPal, la personne fait, par exemple, un virement de 20 $ eh bien, moi, je vais obtenir au total 20 $ si c'est un paiement à un ami. Par contre, si c'est un paiement pour un objet ou un service, ça se peut que PayPal prenne 92 sous, donc environ 1 $ sur la transaction. Ce qui fait que j'obtiens pas en totalité là, le montant de l'argent que la personne aimerait me faire parvenir. Et surtout que si c'est une contribution financière, ben c'est pas par rapport à un achat. Tu sais, c'est pas un enregistrement qui est vendu ou un livre, non. C'est tout simplement mon temps d'argent qui est donné. Donc, d'où la pertinence dans ce cas-là que je propose aux gens de faire. C'est un paiement à un ami pour, dans le fond, que j'obtienne par la suite le montant en totalité naturellement. Donc, c'est sûr qu'en ce début d'année 2021, je tiens particulièrement à remercier toutes les personnes qui, lors de l'année 2020, m'ont apporté un soutien financier à mes activités de diffusion web les gens qui ont envie de naturellement de continuer de le faire là, pendant la prochaine année. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui apprécient les enregistrements que je fais en solo, les entrevues aussi que j'ai avec des invités, bien, à ce moment-là, c'est une bonne façon là, de manifester là, naturellement votre appréciation. Parlant d'invités, je tiens à vous mentionner que récemment, j'ai mis en ligne là, des enregistrements là, d'entrevues que j'ai faites avec Marc Delassalle, qui est décédé lors de l'année 2020. Marc Delassalle, eh bien, c'est quelqu'un que j'ai interviewé sur plusieurs années. En fait, j'ai commencé à l'interviewer lors de l'année 2011 jusqu'à l'année 2020, où cet auteur est conférencier visant la diffusion d'une conscience supramentale et décédée. Donc, je tiens à attirer votre attention plus particulièrement sur des enregistrements de l'année 2013 que j'ai mis à la disposition du public là, sur mon canal YouTube. Donc, il y en a un qui date du 29 mai de l'année 2013. Il porte sur la désastralisation. Et l'autre du 23 janvier 2013 et qui porte sur la force du mental supérieur. Donc, j'ai réécouté naturellement ces enregistrements que j'avais fait il y a quand même plusieurs années. Donc, 2013, on est présentement rendu en 2021. Donc, ça fait déjà là, un peu plus là, de 7 ans. Que j'ai réalisé ces enregistrements et je vous dirais que ça a bien vieilli. J'ai réécouté les enregistrements naturellement, étant donné que sur YouTube, bon, il y a des règles là, qui doivent être respectées en matière éthique, là, naturellement. Puis bon, il faut respecter la sensibilité du public au large, ce qui fait que par rapport à ces enregistrements-là, naturellement, je me donne un doigt de regard et de censurer certaines parties là, si j'évalue que ce n'est pas nécessairement approprié. Et puis, c'est sûr que mon objectif, c'est que les enregistrements restent en ligne aussi également. C'est ça. C'est la raison pour laquelle je réécoute ça. C'est sûr que ça me prend du temps là, de réécouter les enregistrements. Je vais probablement en mettre d'autres en ligne là, de Marc de la Salle dans les prochains jours. J'en ai plusieurs par rapport à Marc de la Salle. Ce qui est intéressant, c'est plusieurs années après avoir produit ces enregistrements-là, j'écoute ça avec le recul, puis je suis toujours en affinité vibratoire avec la nature des échanges. Et j'ai l'impression que je vais écouter les mêmes enregistrements là, dans 10 ans, dans 20 ans. Et comme c'est des enregistrements qui portent essentiellement sur les principes liés à la conscience supramentale, eh bien, c'est des enregistrements qui ont une valeur à long terme. Donc, ce que je veux dire, c'est que ces enregistrements-là peuvent être écoutés puis réécoutés plus tard, un peu comme des enregistrements qui nous amènent sur les fondements là, d'une instruction. Donc, par rapport à, entre autres, la force du mental supérieur, que j'ai réécouté là, il y a quelques jours, avant de le mettre en ligne, parce que c'est quand même du travail de réécouter l'enregistrement. Ensuite, il faut que je le numérise avec une image de fond pour mettre ça en ligne sur YouTube. Ben, je vois petit peu par petit peu là, dans le temps. Puis je fais des alternances entre le montage de mes propres enregistrements que je produis et ceux de Marc de la Salle là, que je revisite là, ces temps-ci. Donc, c'est ce que je voulais mentionner par rapport à ces enregistrements-là d'archives que je rends disponibles au public. Donc, il va en avoir probablement d'autres aussi là, dans les prochains jours. Donc, pour ce qui est du thème de l'enregistrement présent, la hiérarchie vibratoire, eh bien, c'est un thème qui m'est venu suite avec des échanges avec une personne en particulier. Parce qu'il faut comprendre que je suis en contact avec des gens sur Facebook, là, naturellement, avec lesquels je vais interagir, que ce soit en public sur des enregistrements que je mets à disposition du public ou également en privé. Je vais interagir aussi avec des gens par courriel et aussi des gens qui sont sur Skype. Je suis en contact avec plein de personnes, j'aborde différents sujets et ça va m'alimenter. Ça va me nourrir en fonction de sujets que je peux avoir à aborder dans le cadre d'un enregistrement. Donc, dans certains cas, ça va me mettre en vibration. Et là, j'ai terminé en vibration carrément là, en lien avec la discussion. Vous parlez d'hierarchie vibratoire. Chaque individu a un taux vibratoire qui est différent de d'autres. Et ici, il est question de hiérarchie car il y a des taux vibratoires plus élevés que d'autres. Et plus que la personne a un taux vibratoire qui est élevé, et plus qu'elle a une puissance de volonté en relation avec une force de pénétration psychique en lien avec une conscience individuelle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que l'instruction supramentale est toute sauf relativiste, dans le sens que il y a des gens avec lesquels on va discuter sur Internet, puis pour eux, toutes les opinions se valent. Mais au niveau supramental, c'est pas le cas. Parce qu'il y a toujours une vibration derrière une opinion, une idée émise par un être humain. Et il y a des niveaux vibratoires qui sont plus élevés que d'autres. Et là, c'est sûr que ça fera pas plaisir nécessairement ce type de discours-là aux gens qui sont des adeptes du relativisme contemporain. Donc, le relativisme contemporain, c'est une mouvance qui vise à dire que, ah, ben toutes les opinions se valent, puis ça, c'est ton opinion, puis ça, c'est la mienne, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise opinion, chacun a son opinion. Mais au niveau vibratoire, puis au niveau supramental, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, derrière chaque idée qui est émise, il y a un taux vibratoire. Et les taux vibratoires sont hiérarchisés dans le sens qu'il y en a qui sont plus vibrants que d'autres. Et c'est sûr que ça ne fera pas l'affaire de plusieurs personnes qui vont avoir une valeur très spirituelle, une vision très spirituelle de l'égalité, où ils vont dire que toutes les opinions se valent en société. Il n'y a pas de bien puis il n'y a pas de mal. Ben, au niveau supramental, il n'y a pas de bien puis il n'y a pas de mal au niveau de la forme. Mais au niveau vibratoire, il y a le mal cosmique. Et il y a également, j'allais dire, le bien cosmique, mais ce n'est pas tout à fait ça. Il y a également le plan éthérique qui est par-delà, le mal relatif à la constitution de formes sur le plan physique qui sont limitées dans leur capacité de transiger d'une manière volontairement consciente avec les esprits qui sont par-delà de la forme. Autrement dit, il y a des êtres qui sont moins évolués que d'autres dans le cosmos et qui vont engendrer malgré eux, malgré leur état d'inconscience, de la souffrance sur le plan physique. D'ailleurs, l'inconscience humaine va occasionner des massacres, des viols, des guerres, donc différents maux sociaux. Donc le mal cosmique, c'est l'ignorance qu'ont certaines âmes qui n'ont pas accès à une compréhension multidimensionnelle de l'être, étant donné qu'ils ne sont pas capables de supporter et pour les protéger d'un afflux trop grand de lumière compte tenu de leur capacité de contenance, eh bien ces âmes-là connaissent ce qu'on appelle le mensonge cosmique où certaines choses leur sont voilées. Et naturellement, à ce moment-là, comme il y a des choses qui sont voilées à certains individus, ça fait en sorte que ces êtres-là ont un taux vibratoire plus bas parce qu'ils ne peuvent pas intercepter une trop grande quantité d'énergie. Donc, c'est pour les protéger. Mais en faisant ça, ça fait en sorte que leur taux vibratoire est plus bas que des individus qui ont une plus grande capacité d'intercepter la vibration primordiale du cosmos, qui, dans le fond, est très élevé au niveau énergétique. L'hierarchie vibratoire, c'est très indigeste pour des gens qui sont habitués à fonctionner puis à vivre dans une forme de relativisme contemporain où toutes les opinions se valent. Puis ils ne sont pas habitués à lire la vibration derrière les formes. Donc, pour eux, qu'une idée soit émise ou une autre qui dit le contraire, la personne va dire « Ah, ben c'est ton opinion. » Ils ne regarderont pas la vibration qui est derrière. Puis pour eux, tout s'équivale, alors qu'en réalité, non, tout s'équivaut pas. Puis ça s'applique au niveau supramental, puis il y en a qui n'aimeront pas cet aspect-là de l'instruction, parce que ça n'a pas dans le sens que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, puis tout le monde a le droit à son opinion. Non, il y a une hiérarchie au sein des opinions, des idées qui peuvent être émises par des individus, puis une hiérarchie aussi au niveau des individus. Et là, c'est sûr que tout ça, c'est extrêmement délicat, dans le sens que chaque individu a un taux vibratoire. Et c'est sûr que si un individu vibre à 80, l'autre il vibre à 70, l'autre il vibre à 50, bien, ils ne sont pas au même niveau. Et c'est un constat énergétique qui se fait. C'est sûr que la personne qui développe un processus de lecture vibratoire des autres, elle n'a pas nécessairement à dévoiler à une personne qui vibre plus bas qu'une autre personne. Il ne faut pas être sadique ou faire preuve de cruauté, surtout si l'individu est en voie de développement. Et la personne qui régit par l'intelligence cosmique de l'esprit, ben, il va agir intelligemment, donc saisir intérieurement de pas nécessairement dévoiler des informations par rapport à des individus, par rapport à d'autres. Ben, il le fera pas parce que ça se peut que ce soit contre-productif. Donc, si quelqu'un se fait poser régulièrement la question par du monde sur Internet, « Ah, tel individu, es-tu plus conscient que tel autre? Est-ce que tu trouves qu'il y a un taux vibratoire, tel conférencier? » Puis l'autre, est-ce que tu trouves qu'il y a un taux vibratoire plus bas? Puis si la personne cherche à avoir des informations comme ça, puis essaie de se faire valider par une autre personne, premièrement, c'est qu'elle n'a pas l'identité de savoir par elle-même qu'est-ce qu'il y en est, ou elle sait elle sait certaines choses par elle-même, mais elle a un petit doute qui fait en sorte qu'elle cherche à se confirmer par rapport à autrui. Puis si c'est fait dans une dynamique de la comparaison d'individus par rapport à d'autres, fondamentalement, c'est quelque chose qui est un peu une perte de temps. Par contre, la personne qui se conscientise est lucide. Elle voit que telle personne a un taux vibratoire ou tel invité qu'elle écoute une émission plutôt que tel autre. C'est évident. Par contre, il faut qu'elle regarde si elle a la vibration d'en parler ou pas. Puis c'est pas nécessairement utile d'en parler. Et ça, c'est un autre volet. En fait, la hiérarchie vibratoire, c'est une réalité qui existe dans le sens que si on prend juste le principe de la volonté, il n'est pas intégré d'une manière égale en différents individus. C'est un constat. Il y a des gens qui vont être capables rapidement, par exemple, de se mettre en action pour résoudre un problème. D'autres ne sont pas capables de se mettre rapidement en action. Donc, certaines personnes ont beaucoup de volonté, ce qui fait en sorte que lorsque la personne a une sensibilité à fleur de peau, bien, ça ne prendra pas 6 ans, ça ne prendra pas 6 mois pour, ou 6 jours, ou 6 minutes, ou 6 secondes pour régler un problème. Elle va le régler tout de suite. Elle va se mettre en action concrètement dans la matière pour régler le problème. Elle ne laissera pas les choses traîner pendant des mois puis des années. Donc, si la personne, c'est au niveau vibratoire, là, la vibration est mise en vibration puis est activée pour régler un problème, elle va se mettre en action rapidement pour le régler. Elle va confronter des problèmes. Elle va y faire face. Elle va faire face aux peurs, aux craintes pour en triompher. Ça, c'est le propre de l'individu qui a un taux vibratoire qui est élevé. Quelqu'un qui a un taux vibratoire qui est élevé, il ne se laissera pas non plus marcher ses pieds. Puis, il ne cherchera pas non plus à marcher sur les pieds des autres. Parce que ce n'est pas un individu qui va aller dans le sens de la dynamique dominant-dominé. Donc, il ne sera pas dominé par les autres, il ne sera pas soumis aux autres, mais il ne cherchera pas non plus à dominer les gens, à leur imposer des choses. Et c'est sûr que par rapport à la question de la hiérarchie vibratoire, tout ça, c'est extrêmement délicat. Parce que, à quelque part, la hiérarchie vibratoire fait en sorte que tu as des gens qui ont des propos plus vibrants que d'autres. Et c'est un constat. Et là, il y a des gens qui vont dire, ben écoute, ça c'est ton opinion que telle personne est plus vibratoire que telle autre. Mais si c'est un constat réel, puis les gens auraient le même niveau de sensibilité, de perception, parce que la conscience est universelle, mais tant qu'on est voilé en particulier par rapport à certains éléments, tant que notre perception n'est pas transparente, n'est pas limpide, il y a des parties qui nous échappent. Mais le point, c'est que si un constat vibratoire est là par rapport à un individu, que telle chose que dit si vibrant, normalement, tous les gens qui sont sensibles vont être capables de reconnaître l'intelligence de l'autre parce qu'ils sont en contact avec leur propre esprit et ça fait écho au savoir qu'ils portent en eux. Autrement dit, lorsqu'on on écoute, par exemple, quelqu'un qui parle de conscience, l'objectif de tout ça, c'est pas que la personne nous donne une instruction avec des principes qu'on va mémoriser, non. C'est d'observer si la parole de l'autre nous met en vibration et fait écho, fait résonance au savoir qu'on porte déjà en soi. Car en réalité, les êtres humains ont tous en potentialité l'accès au savoir. Par contre, il y a des gens qui ont différents niveaux de voile, puis c'est pas nécessairement dans l'incarnation présente qu'ils pouvoir être en contact d'une manière volontairement consciente avec leur esprit. Puis c'est tout à fait normal, chaque chose en son temps. Mais la hiérarchie vibratoire qui existe présentement sur Terre n'est pas sur le point de prendre fin parce qu'il y a toutes sortes de gens avec toutes sortes de taux vibratoires puis qui connaissent toutes sortes de niveaux de développement. Donc, la population terrestre sur le plan énergétique, vibratoire, est très dépareillé parce que là, tu as des gens qui vivent à l'unisson avec le plan astral, tu en as qui commencent à se conscientiser, à vivre le processus de fusion, fait qu'ils ont un peu d'astral en eux, puis un peu du plan éthérique. Puis il y en a d'autres qui continuent à se développer davantage à leur éthérisation de conscience, donc l'écart énergétique est très vaste. Puis c'est sûr que dans un contexte social, la hiérarchie vibratoire, en fait, quelqu'un qui intègre le principe d'ajustement à ce qui est le plus intelligent, eh bien, il va agir en fonction de la plus haute vibration qu'il va capter. Donc, si ça provient de son intériorité, si l'idée lui vient en tête, tant mieux, mais si c'est une idée qui vient en tête d'une personne qui a 80 ans, ou une personne qui a 2 ans, ou 3 ans, ou 5 ans. Ça va être plus facile hein, d'articuler une idée si la personne a 5 ans, naturellement, ou 6 ans. Ben, peu importe l'âge de l'individu sur le plan biologique, si c'est intelligent, comme dirait Bernard de Montréal, c'est intelligent. Donc, la hiérarchie vibratoire ici n'est pas en relation avec un âge biologique, dans le sens que quelqu'un peut être très vibrant, puis la personne, elle a 25 ans, puis il y en a un autre, la personne est rendue à 90 ans, puis elle n'a pas le même taux vibratoire, elle n'a pas la même lumière dans les yeux, elle n'a pas la même vitalité, il y a des choses qui lui échappent, puis ça ne fait pas nécessairement partie de son destin de vivre le processus de fusion à cet âge-là. Et c'est pas parce que les gens avancent en expérience de vie au fil de plusieurs années que ça fait nécessairement des gens qui sont plus conscients ou qui ont une plus grande capacité d'interception psychique et médiumnique sur le plan personnel. Ça n'a aucun rapport. Donc, il y a des gens qui ont accumulé beaucoup de mémoire dans l'incarnation présente. Puis là, la personne avance, elle a 70, 80, 90 ans. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus consciente, puis elle a un taux vibratoire plus élevé que le jeune qui a 10 ans, là, naturellement. Donc, ça, c'est un élément, mais ça se peut aussi qu'en effet, quelqu'un qui a 90 ans, dans certains cas, peut avoir un taux vibratoire plus élevé qu'un jeune qui a 10 ans. Ça dépend, c'est du cas par cas. Donc, c'est pas une question d'âge. Parce qu'à un moment donné, sur YouTube, il y a quelqu'un qui m'avait écrit, puis la personne m'avait répondu, elle m'avait dit, j'ai 50 ans, là, ça fait, je pense qu'elle m'avait dit, ça fait 20 ans ou 30 ans là, que j'étudie la conscience, fait que je sais c'est quoi. Puis là, la personne utilisait un argument en termes d'âge, que ça faisait plusieurs années terrestres, que, bon, elle pouvait écouter des enregistrements liés à la conscience ou lire des livres, pour me dire que, vu que j'étais plus jeune qu'elle, parce que moi, j'ai 39, que moi, je connaissais moins ça qu'elle. Alors qu'en réalité, c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de taux vibratoire. Et moi, ce que je dis, c'est qu'une personne peut être âgée de 50 ou une personne peut être âgée de 25 ans, ou peut avoir 10 ans, peu importe. Ça se peut que cette personne-là ait un taux vibratoire plus élevé qu'une autre, qui peut avoir 40 ans ou 39 comme moi. Donc, voyez-vous, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question aussi de salaire, c'est pas une question de statut économique, c'est pas une question non plus de lieu géographique, bien que des contextes géographiques dans des sociétés où il y a peu de mémoire comme celle québécoise, ça peut être plus propice à l'émergence d'une conscience supramentale dépouillée de mémoire, là, naturellement. Donc, la société québécoise peut être favorable à ça dans une certaine mesure, vu que c'est un peuple qui est quand même jeune, celui du Québec. Mais néanmoins, il y a des particularités individuelles autres qui peuvent avoir une incidence. Mais pour en revenir à l'essence de mon propos, la hiérarchie vibratoire existe tout simplement parce que les âmes ont des rythmes différents et individuels qui sont variables par rapport à l'intégration de l'énergie de l'esprit. Donc, tant que l'âme va intégrer l'énergie de l'esprit à un rythme différent des autres âmes qui sont dans le cosmos, c'est sûr qu'il va y avoir un décalage vibratoire entre elles. Autrement dit, un individu, par exemple, ça peut lui prendre 3 reprises ou ce qui fait une faillite personnelle pour développer des compétences, pour intégrer une capacité à gérer l'argent en étant moins orgueilleux, moins dépensier, puis en étant plus en contact avec l'esprit, pour vivre davantage en fonction de ses besoins plutôt que ses désirs subjectifs. Donc, une personne, ça peut y prendre 3 faillites personnelles pour réaliser l'importance de ça. Puis une autre âme en incarnation, une autre personne, ça peut y en prendre 5 faillites personnelles. Puis un autre 25, ça dépend, c'est du cas par cas. Puis il y a des choses qui sont plus faciles pour certaines âmes d'intégrer, puis d'autres non. Et c'est en fonction des failles que peuvent avoir les âmes, leurs différentes limites, c'est ce qui va déterminer, entre autres, leur statut évolutif, leur taux vibratoire et qu'est-ce qu'ils ont ou non accès en termes de savoir. Donc, celui qui a accès au savoir, c'est pas celui qui veut. Quand je parle ici de savoir, je pense au terme vibratoire. Donc, les archives cosmiques, à ne pas confondre avec les archives astrales, les plans akashiques. Donc, quelqu'un qui a accès au savoir, c'est pas qui veut, mais c'est qui peut, qui en a la capacité. Et ça, c'est en fonction de son statut hiérarchique qui lui donne une capacité d'être accrédité. Être accrédité, c'est-à-dire avoir accès à des informations sensibles. Et c'est pas naturellement donné à tout le monde. Parce que ça prend une capacité de supporter le savoir. D'ailleurs, il y avait un adage qui disait « Quelle dose de vérité êtes-vous prêt à supporter sans... dans le fond, je pense que ça voulait dire dans le sens sans sombrer dans la folie, là, sans devenir fou. » Et c'est la même chose pour le savoir. Hein? Quelle dose de savoir êtes-vous capable de supporter, objectivement parlant, sans sombrer dans un état de déchéance psychique, dépression, dans un état de psychose ou autre. Donc, pour supporter le savoir sans sombrer dans la folie ou dépérir sur le plan psychique, ben, ça prend une bonne capacité d'être stable dans le mental, naturellement. Il faut être capable d'avoir accès à l'information sans la réfléchir. Donc, sans penser à elle d'une manière compulsivement, là, à toute heure de la journée, là, comme des gens qui sont très obsessifs, qui vont penser à une information sensible, une information là, qui génère de l'anxiété là, 24 heures par jour. Là. Non, il faut pas vivre ça. Donc, il faut que la personne ait un mental qui est calme, idéalement, pour absorber une grande quantité de savoir. Et pour que la personne ait un niveau hiérarchique qui soit élevé, qui lui permet d'accéder au savoir, bien, il faut qu'elle intègre les événements oppositionnels qu'elle peut connaître dans son quotidien si elle est appelée à vivre la fusion avec l'esprit. Donc, l'âme qui vit un processus de transmutation psychique va être confrontée à l'esprit qui va lui créer des événements oppositionnels pour dévoiler les failles qu'elle porte. Et si l'âme fait les ajustements nécessaires, les ajustements requis pour avoir une vie plus intégrée, équilibrée, à ce moment-là, avoir accès à de plus en plus de savoir. Puis à ce moment-là, l'esprit va plus en plus fusionner avec elle. Et il n'y aura pas d'un côté l'âme qui est ignorante puis l'esprit qui sait tout. Fait que quelqu'un, une âme qui est en processus de fusion, elle sait un peu de choses. Puis c'est plus juste l'esprit qui a accès au savoir, là. Autrement dit, l'âme développe une conscience vibratoire liée de son mariage de sa conscience à celle de l'esprit qui lui permet d'accéder à des informations qui sont par-delà l'expérience. Autrement dit, ça permet à l'âme d'accéder à une forme de science infuse, puis elle n'a pas besoin de passer par des essais et d'erreurs pour apprendre des choses de la vie et développer à travers une forme de sagesse au fil des ans. Donc, c'est sûr que l'accès à l'individu, à la hiérarchie cosmique et à une capacité de parler d'égal à égal avec des êtres sur le plan éthérique est en relation avec sa capacité d'éthérisation pour s'élever au même niveau que ces entités. Donc, autrement dit, c'est pas les entités du plan éthérique qui vont s'abaisser à l'individu. Non, non. C'est l'individu qui, de par l'intégration des oppositions qui peuvent être orchestrées dans sa vie, de par sa contrepartie cosmique, donc l'esprit, ce que certains appellent le double éthérique, l'ajusteur de pensée, que l'individu va s'élever au niveau d'une conscience de type éthérique et parler d'égal à égal avec les entités éthériques qui n'ont pas connu la déchéance de l'involution, donc la descente de l'âme dans la matière qui a été fascinée par l'aspect sensoriel, les sens, les plaisirs des sens. Et en passant, l'individu qui est conscient n'a pas un mépris du plaisir des sens, la sexualité ou autre, il est capable de composer avec elle d'une manière intelligente sans que sa capacité d'accéder à des plaisirs sensoriels lui coupe de son accès à la conscience éthérique. Autrement dit, la personne rendue à ce stade peut vivre d'une manière volontairement consciente, une relation psychique avec la dimension cosmique de son être à travers la matérialité. En d'autres termes, elle peut vivre l'absolu au cœur du relatif. Autrement dit, elle peut vivre d'une conscience qui est totale au cœur des contraintes du plan physique, du contexte biologique. Donc, voilà où est-ce que l'être humain nouveau va pouvoir exister en termes de conscience. Mais le point, c'est que c'est pas à l'esprit, au niveau hiérarchique, d'abaisser sa vibration au niveau de celle de l'ego, parce qu'à ce moment-là, ça ferait un esprit qui deviendrait aussi inconscient que l'ego. Donc, ça serait un nivellement vers le bas. Puis là, on serait pris dans une boucle sans fin, parce que l'ego qui est inconscient de par lui-même, comme l'âme ne s'ajuste pas par elle-même, ben, elle ne va pas rehausser le niveau. Donc, ça prend des chocs et des événements oppositionnels pour qu'un individu rehausse le niveau tant aussi longtemps qu'il n'est pas suffisamment conscient. Puis plus qu'il est inconscient, puis plus que ça prend des chocs de nature inversement proportionnels à son niveau d'inconscience pour le sortir de la léthargie. Donc, voilà le point. Donc, c'est sûr que si l'esprit, dans le fond, abaissait sa vibration à celle de l'ego inconscient issu de l'évolution, ben, on serait prisonnier à jamais dans l'évolution parce qu'il n'y aurait pas une partie de nous-mêmes qui nous dépasse, qui nous permettrait de nous guider tel un fil d'Ariane en dehors des limites qui peuvent parfois être extrêmement étouffantes de la matrice planétaire dans laquelle on se situe. Et c'est la raison pour laquelle l'ego, sur le plan hiérarchique, doit hausser son niveau. Et plus que l'ego monte en autorité vibratoire, puis plus qu'une capacité de contestation, puis plus qu'une capacité d'ajuster également l'occulte du réel, les entités astrales. Donc, un ego qui intègre un petit peu de vibration de l'esprit, qui a une fusion partielle, eh bien, il a accès, de par sa conscience, à une créativité qui lui donne accès à des réponses que les entités sur les plans astraux n'ont pas. Donc, autrement dit, il y a une capacité d'avoir accès à de l'information que les entités astrales n'ont pas, donc ça lui donne une autorité plus grande qu'aux entités astrales qui ont juste accès à du mémoriel en relation avec du passé. Les entités astrales qui ne sont pas en contact avec l'esprit ne sont pas capables de générer de la nouveauté. Donc, sur le plan hiérarchique et cosmique, ils ont un statut vibratoire beaucoup plus bas que l'individu qui est en contact avec l'esprit, qui lui donne accès à une conscience auto-génératrice et qui est capable de constituer, à travers sa parole, bien des éléments nouveaux. Il peut créer des formes, parce que la conscience, c'est créatif. La conscience, ça va régénérer, par exemple, une éther. Donc, il est capable de générer aussi un taux vibratoire qui va pouvoir déloger les entités astrales. Et plus que l'ego intègre l'énergie de l'esprit, puis plus qu'il monte sur le plan hiérarchique, et lorsque, au niveau individuel, la conscience de l'âme est totalement équivalente à celle de sa contrepartie cosmique esprit, bien à ce moment-là, il n'y a plus qu'un être cosmique intégral, qui a une dimension de lui sur le plan physique et une autre sur le plan éthérique, dans l'unité totale. Il n'y a plus de division. La dualité en différents aspects de soi-même, le doute que ça peut occasionner, entre autres, est tributaire du fait que l'être est morcelé. Donc, une partie de lui-même qui est inconsciente, puis il y en a une autre qui est restée consciente. Bon, ben c'est lorsque la partie inconsciente qui se conscientise à travers un éveil de la conscience, qui devient égale à celle qui était déjà consciente depuis longtemps, mais qu'elle ne pouvait pas avoir conscience parce que c'était pas encore le temps. Mais là, comme là, c'est le temps pour certains individus de s'éveiller, mais ils prennent conscience de la partie d'eux-mêmes qui a toujours été consciente et a toujours été là, mais ils ne la voyaient pas. Donc, c'était pas le temps qu'ils en prennent conscience. Mais comme la partie conscience peut mettre en initiation un individu, c'est-à-dire lui faire découvrir une partie de lui-même qu'il ignorait jusqu'alors, ben, c'est à ce moment-là que l'individu, sur le plan biologique, découvre que finalement son être, là, c'est pas juste lui-même sur le plan physique, donc de la matérialité de son corps biologique, il est beaucoup plus vaste que ça. Il prend conscience de sa multidimensionnalité. Et il prend conscience aussi que les autres êtres humains sont multidimensionnels. Et la hiérarchie vibratoire, de composer intelligemment avec ça, c'est pas nécessairement évident parce que c'est très facile de sombrer dans une comparaison entre individus en disant « Ah ben lui, il est plus conscient que tel autre, puis tel écrivain, puis tel conférencier, puis ci, puis ça. » Oui, il peut y avoir plein de discussions là-dedans, mais il faut se poser la question, si vous parlez beaucoup de temps d'un conférencier par rapport à un tel autre, est-ce que vous utilisez ce temps-là à bon escient? Autrement dit, quelqu'un qui réfléchit par rapport au statut vibratoire d'une personne par rapport à l'autre d'une manière outrancière, c'est pas du temps qu'elle va utiliser pour se manifester créativement dans son quotidien, puis apporter des ajustements créatifs dans sa vie de tous les jours. Car l'énergie qu'on n'utilise pas quelque part est utilisée à un autre endroit. Mais c'est tout le temps de voir c'est quoi qui est le plus efficace sur le plan énergétique. Et puis, par rapport à la hiérarchie vibratoire, c'est sûr qu'un individu intérieurement peut faire le constat que niveau vibratoire, il y a des gens qui sont plus avancés que d'autres. Puis là, la personne, il ne faut pas qu'elle sous-évalue en tant qu'individu par rapport à d'autres, mais il ne faut pas non plus qu'elle se surévalue. Il faut qu'elle ait juste mesure d'elle-même. En disant qu'il y a des choses que oui, elle est capable de faire, ou des informations qu'elle peut avoir accès, d'autres non. Il faut qu'elle soit capable de s'accueillir là-dedans, puis c'est ça. Un autre élément aussi par rapport à la hiérarchie vibratoire, c'est que c'est une hiérarchie au niveau de la vibration et non pas de la forme. Dans le sens que souvent les gens cherchent des vérités. Dans un certain cas, par exemple, de dévoiler des informations à une personne, vibratoirement, c'est approprié. Mais dans un autre cas, ça ne l'est pas. Il faut faire preuve de discernement. Il n'y a pas de principe qui va dire que tel élément, c'est vrai pour tout le monde, puis c'est approprié pour tout le monde. C'est pas le cas. Par exemple, qu'un individu dise à sa grand-mère, là, qui est âgée de 80 ans, que Jésus, la façon qu'elle comprend, il n'existe pas, puis que Dieu, dans la manière qu'elle l'a étudié, puis ça a été enseigné par les prêtres dans sa jeunesse, n'existe pas en réalité. Par contre, ce qui existe, c'est le double ou l'ajusteur de pensée. Alors que la personne de 80 ans n'a pas demandé ça, c'est pas approprié vibratoirement que quelqu'un arrive comme ça, de faire ça. Tu sais, ça se peut que ça ne lui soit pas demandé. Par contre, si la personne a un enfant qui est âgé de 15 ans ou de 20 ans, puis l'enfant lui pose la question, est-ce que Dieu existe? C'est quoi qui se passe de l'autre côté du plan physique? Puis là, la personne voit que l'enfant a une certaine ouverture d'esprit, une curiosité qui est là, puis est jeune, a une capacité d'absorption d'informations. Ben, ça peut être approprié de lui dévoiler certaines choses. Surtout si c'est un mouvement qui provient de l'enfant ou de l'individu concerné. Parce que la grand-mère, là, qui est âgée de 80 ans, puis elle veut pas entendre parler de conscience supramentale, puis c'est des concepts en relation avec ça, puis ça l'intéresse pas, de lui présenter de l'information comme on peut le faire à un enfant de 15 ou 20 ans, c'est pas nécessairement approprié. C'est du cas par cas. Donc, il n'y a pas de recette universelle sur ce qu'on dévoile ou on dévoile pas. À une personne, je peux parler à un certain niveau, une autre à un autre niveau totalement différent. Puis une autre personne, là, ce qui touche à de la conscience, ça me dit intérieurement, tu y parles de rien. Puis si j'écoute pas, là, c'est moi qui va me mettre dans le pétrin, puis ça va me créer des oppositions énergétiques extrêmement importantes. Donc, avec le temps, j'ai appris à me la fermer. Donc, c'est sûr que pour être transparent, des erreurs, des manquements d'ajustement, est-ce que j'en ai fait dans le passé? Oui. Est-ce que je vais probablement faire d'autres erreurs dans l'avenir? C'est très possible, mais l'important, c'est d'être capable de tirer de la compréhension par rapport à cette dernière, puis se réajuster, puis de suivre la vibration. Puis plus qu'on suit la vibration, et plus qu'à ce moment-là, on évite les pertes d'énergie inutiles. Donc, autrement dit, il n'y a pas de vérité universelle. T'sais, c'est comme, par exemple, la mode là, du végétarisme ou du monde qui sont véganes, bon, ben c'est pas nécessairement bon pour tout le monde de pratiquer le végétarisme ou de devenir végane. C'est du cas par cas. Donc, il y a des gens qui vont dire « Ah, ben manger végétarien, ça va vous rendre plus conscient que d'autres personnes. » Ça dépend. Ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. Fait que là, c'est sûr qu'il y a une hiérarchie vibratoire au niveau, par exemple, on peut dire que de manger un animal, là, comme par exemple un bœuf, versus manger une plante, la souffrance qui peut être générée par rapport à la mort d'un animal peut être plus grande que, par exemple, par rapport à une plante. À un certain niveau, on peut dire ça, c'est certain. Donc, il peut exister une vibration en ce sens-là. Par contre, la croyance que de manger végétarien va permettre à une personne d'être plus consciente sur le plan supramental qu'une autre, moi, j'y adhère pas. Là. Pour moi, ça n'a pas nécessairement de lien. Par contre, c'est sûr que vibratoirement, une alimentation peut être plus ajustée pour une personne qu'une autre en fonction de sa sensibilité. Donc, il y a des gens que dans leur sensibilité, c'est de manger plus des légumes, d'autres, ça va être manger plus cru. Donc, ça dépend, c'est du cas par cas. Par contre, c'est du cas par cas, mais en fonction d'une lecture vibratoire. Et la lecture vibratoire nous amène tout le temps à hiérarchiser des choses. Comme par exemple, on peut dire que telle alimentation est plus ajustée pour une personne. Donc, il y a des gens qui vont utiliser le pendule là, puis pour faire une lecture de la personne par rapport à des lieux pour voyager, par rapport à des types d'emploi. Qui pourraient être plus ajustés ou non leur vibration par rapport à des aliments, ben il y a une réalité derrière ça. Chaque chose est codée énergétiquement par rapport à soi, par rapport à autrui. Et au niveau supramental, ben c'est une réalité, lorsque la personne touche cette conscience-là, qui l'amène à considérer une hiérarchie, mais qui est par-delà la forme, qui est sur le plan énergétique fondamentalement. Donc, si on regarde au niveau supramental des gens qui se présentent aux élections, donc, des différents candidats électoraux. Bon, ben chaque candidat électoral a une longueur d'onde sur le plan vibratoire. Et c'est sûr que la personne peut capter qu'un candidat a une vibration plus élevée qu'un autre. Et la personne peut capter aussi que tel parti politique sur le plan vibratoire, c'est plus ajusté qu'il soit mis au pouvoir plutôt que tel autre. Donc, tout ça, c'est marqué. C'est pas le cadre d'opinion subjective d'individu ou de réflexion. Et là, c'est sûr qu'une personne va dire, ben regarde, tel politicien, quand même que ça fait plusieurs personnes dans le domaine de la conscience qui trouvent qu'elle a un taux vibratoire plus élevé qu'un autre, elle devrait pas être au pouvoir. Et la personne va dire à cette personne-là, je trouve qu'elle manque d'ajustement. Et là, la personne peut se faire dire, ben écoute, tu peux trouver qu'elle manque d'ajustement, mais va voir par en dedans. Vérifie que ta sensibilité, qu'est-ce qu'elle en est réellement. C'est sûr que sur le plan subjectif, peut-être que tu n'aimeras pas l'ego de tel politicien, tu vas le trouver orgueilleux comme ça se peut pas. Mais vibratoirement, c'est quoi que ça te dit par rapport à ce politicien-là? Donc, si ça te dit vibratoirement que c'est lui qui va être au pouvoir, pour diriger, par exemple, un pays, ben, il faut que tu composes avec l'information intelligente de l'esprit. Et c'est ainsi, si tu veux être objectif dans le mental, c'est comme ça. Tandis que si la personne veut rester dans la subjectivité, ben elle n'écoute pas ça, puis elle ne va pas se sortir d'une compréhension sous influence astrale de la réalité. Puis la personne va justifier, puis elle peut rationaliser en disant « Ah, ben toutes les opinions se valent. Moi, je juge que tel politicien plutôt que tel autre devrait être au pouvoir. » Tandis que, vibratoirement, c'est pas l'individu qui décide. C'est qui doit être au pouvoir. C'est pas elle qui choisit. C'est elle qui peut lire, par contre. C'est elle qui est marquée vibratoirement par le plan éthérique comme étant la personne la plus pertinente pour, par exemple, diriger un pays. C'est pas pareil. Et c'est pas parce que quelqu'un fait une lecture vibratoire d'un politicien qu'un autre va te trouver très orgueilleux que ça empêche que la vibration va vers telle personne. Et il y a des dimensions subtiles aussi derrière ça. C'est que les plans de la lumière sont pas des cons, les êtres qui sont de l'autre côté du voile. Ils savent très bien que tel politicien est plus orgueilleux que tel autre sur certains points. Par contre, ils sont conscients aussi que tel politicien vibre pas à la peur. T'sais, si tel politicien vibre pas à la peur du coronavirus, puis il y a une volonté assez forte pour tenir sa tête par rapport à d'autres pays qui chercheraient à tirer profit économiquement d'une situation, puis qu'à quelque part, il faut que son pays soit en puissance par rapport aux temps à venir, compte tenu de positions astrales qui vont venir de d'autres pays, ben, les plans de la lumière vont faire en sorte qu'un individu qui peut sembler orgueilleux en tant qu'individu va être mis au pouvoir. Mais ce qu'il faut comprendre par rapport à la hiérarchie vibratoire, c'est que tout est marqué. Et c'est sûr que quelqu'un peut dire à un individu, « Ah, ben toi, tu veux, en réalité, ton désir, c'est que telle personne soit au pouvoir. » Fait que c'est pour ça que tu dis que tu as la vibration pour lui. Mais en réalité, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que si, spontanément, on parle, on pose la question, puis on demande au plan de la lumière, là, « C'est qui doit diriger tel pays? » Là, ça répond intérieurement un nom d'un politicien. Puis la personne capte que la vibration, c'est ça. Ben, elle va dire ce qu'elle capte vibratoirement. C'est pas qu'elle veut que cette personne-là soit au pouvoir ou qu'elle la trouve belle sur le plan esthétique. Mais non. C'est que c'est un constat que c'est elle qu'elle a est au pouvoir. Puis les constats énergétiques, pour pas qu'ils soient déformés, il faut qu'ils se fassent spontanément. Moins on réfléchit, plus la pureté de la qualité de l'information est là. Plus qu'on réfléchit, plus qu'on l'intellectualise, plus que la vibration devient trafiquée par de l'astral, moins on voit clair, plus qu'on devient embrouillé. Plus qu'on retourne l'information sur elle-même, puis la perception, on oublie ça, elle disparaît. Donc, travailler avec des perceptions vibratoires, c'est pas évident, puis c'est pas non plus politique qui est correct. La personne peut se retrouver entourée de personnes qui veulent rien savoir d'un politicien, mais si ça dit intérieurement que c'est elle qui est le plus ajustée pour diriger un pays, il faut qu'elle soit capable, de par son individualité, de se tenir debout puis constater que c'est elle que c'est plus approprié. C'est ainsi. Même si elle est exposée à 99,9% des gens de son environnement ou des médias qui le disent le contraire. Non. Faut qu'elle suive la vibration en dépit de au niveau de la masse, ce qui est populaire ou non. Faut qu'elle s'écoute d'abord. Puis plus qu'on est individuel, puis plus qu'on peut soutenir des positions qui sont pas politiques correctes, puis se maintenir là-dedans. Mais c'est un défi, parce que moindrement que la personne est collective, elle va vouloir se relier au consensus culturel de sa société et de ses proches. C'est sûr que ça prend un esprit rebelle. En fait, pour avoir une capacité de liberté psychique de capter le réel de ce qui doit être puis d'en faire une lecture, ça prend une forme d'individualité très prononcée où la personne est capable de se supporter elle-même en dépit du manque ou de l'absence de support du collectif. Puis poursuivre son mouvement, même si c'est impopulaire. C'est sûr que si la personne, par exemple, va dire devant une foule d'individus qui sont adeptes du nouvel âge, vous avez juste à vouloir être multimillionnaire puis vous allez l'être, c'est sûr, c'est très séduisant. Vous faites de la visualisation pour avoir des autos de luxe puis avoir des autos de luxe. Ça va marcher. C'est sûr que c'est très séduisant comme discours pour la masse. Mais est-ce que ça fonctionne? C'est un autre aspect. Et c'est sûr que le discours de la conscience supramentale, c'est pas un discours qui est très racoleur. C'est pas un discours qui est très séduisant par la masse parce que c'est un discours qui amène l'individu à réaliser qu'il y a des programmations. Et puis, en tant qu'individu, il ne peut pas nécessairement faire ce qu'il veut, mais il peut faire ce qu'il peut. nuance. Et l'accès au savoir, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde en même temps. Je pourrais apporter ça comme nuance. Donc, c'est sûr qu'éventuellement, les individus qui évoluent sont tous appelés à avoir accès à de plus en plus de savoir. Par contre, c'est pas à tout le monde en même temps, parce que si les gens ont accès à tout le savoir spontanément, bien, il y en aurait plein qui sombraient dans des états avancés de dépression, de psychose, parce qu'ils seraient pas capables de supporter ça. Le réel est difficilement supportable tant que l'ego est sous influence astrale, parce que l'astral peut, en ayant une vision retardataire du réel ou qui coupe l'individu de l'accès à une réalité, l'amener à résister au savoir, puis à sentir déprimé par rapport à certaines informations réelles de qu'est-ce qui se passe dans le monde. Donc, c'est sûr que l'individu qui est confronté au fait qu'il y a plein de politiciens inconscients qui gouvernent, c'est extrêmement frustrant. Donc, tant que la personne croit que les politiciens sont là pour lui faire plaisir, pour l'aider, puis qu'ils vont tout régler les problèmes, puis sont là pour sauver l'humanité, tant que la personne a ces illusions-là, puis elle se couche tranquille le soir, puis elle a l'impression que le Québec est en bonne main, quand le gouvernement est main sur le volant, c'est sûr que la personne qui est confrontée aux lacunes des politiciens, puis elle va être de plus en plus claire à chaque jour, elle va vivre un choc de réalité, puis ça peut être extrêmement contrariant pour elle, puis elle va vivre des désillusions. Donc, tant que les gens ont des illusions ou ils entretiennent des espoirs par rapport à la religion, par rapport à la politique, par rapport à la science, ben, ces gens-là risquent de vivre des désillusions. Puis plus qu'on a des illusions, puis plus que les désillusions risquent d'être grandes, et le choc lié à l'éveil au réel grand en proportion, naturellement, pour équilibrer le tout. Parce que plus que des illusions, puis plus que ça prend des désillusions inversement proportionnelles pour que la personne trouve son juste milieu. Donc, pour avoir un équilibre par rapport à elle-même. Mais la hiérarchie vibratoire, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle est à plusieurs niveaux. Il y a des hiérarchies au niveau planétaire. Si on regarde, par exemple, les forces armées, on a différents grades de gens. Donc, il y a des lieutenants, il y a des colonels, et il y a également là, des commandants en chef. Il y a différents niveaux, au niveau hiérarchique. Et au niveau cosmique, c'est la même chose, sauf que c'est pas une hiérarchie de forme, mais c'est une hiérarchie sur le plan de l'énergie. Puis un individu peut déclarer que vibratoirement, c'est un général. Mais c'est peut-être pas nécessairement le cas. La personne au niveau de la forme peut s'exposer, se surévaluer comme étant plus élevée au niveau hiérarchique qu'un autre. Mais la personne qui a une capacité très transparente de l'ego de percevoir l'autre, parce qu'elle accepte de percevoir vibratoirement des constats qui font pas tout le temps son affaire dans sa vie, va le voir tout de suite. Si quelqu'un se présente comme étant un général puis c'est pas le cas, puis en réalité c'est un soldat. Puis il y en a un autre qui a la vibration de général, mais pour des raisons de camouflage vibratoire, de camouflage de la forme, pardon, la personne va avoir la paix en société, elle se présente comme étant un soldat. Donc, il n'y a pas personne qui va chercher à lui poser des questions ou elle ne sera pas achalée, elle va passer inconnue. Donc, c'est sûr que des gens... c'est parce que je pense entre autres à un pharmacien, donc une personne que je connais qui est quand même, bon, pharmacien c'est une profession où la personne est quand même assez aisée sur le plan financier, donc c'est un cadre qui lui permet d'accéder à un bon salaire, et la personne va pas nécessairement porter des beaux vêtements. La personne que je pense, je nommerai pas son nom pour des raisons de confidentialité, parce qu'elle veut pas se faire achaler par personne, tu sais, c'est une personne qui est célibataire, puis non, il va porter des vêtements ordinaires et des fois des vêtements quand même assez usés. Mais c'est sa façon de passer incognito à la société, puis c'est correct. Donc il y a des gens qui vibratoirement sont très élevés, mais qui ne vont pas nécessairement en parler, mais quelqu'un qui a la sensibilité va le capter vibratoirement qu'une personne est très élevée. Puis l'autre, qui peut, dans le fond, être très présente là, dans les médias de masse, si on pense à un politicien. Puis elle peut, dans le fond, mettre de l'avant là, tout son agenda politique puis essayer de se mettre en valeur, mais vibratoirement, on peut le voir, ça ne tient pas la route aussi. Puis il y a des politiciens plus élevés vibratoirement que d'autres aussi, c'est hiérarchique, hein? Et tout est marqué. Au niveau des plans éthériques, ils ont un agenda spécifique, puis ils peuvent nous mettre en vibration pour voter pour une personne plutôt qu'une autre personne, et même dans certains cas, de ne pas voter, tout dépendant. Mais vibratoirement, chaque individu qui dirige un parti politique ou un parti politique en tant que tel a un taux vibratoire, puis vous pouvez vérifier lequel qui est le plus élevé lorsque vient le moment des élections. Et là, c'est pas une question d'opinion, c'est un constat énergétique. Et lorsqu'on fait des constats énergétiques qui sont objectifs, l'un des observations qui peut se faire, c'est que si c'est vraiment objectif, ça peut arriver que ça fasse pas l'affaire de votre ego. Donc, si vibratoirement, vous captez qu'on dit quelque chose qu'en tant qu'ego vous fait pas plaisir, mais que c'est plus ajusté vibratoirement, c'est pas être un signe que c'est un constat énergétique qui est réel. Parce que, bon, c'est sûr que quand on est dans une dynamique astrale, ben c'est souvent des choses qui vont dorloter l'ego ou lui faire plaisir. Mais ça ne mènera pas à aller plus loin. Donc, souvent les gens qui, dans le fond, vont amener une personne à amener plus loin, ça va être des constats énergétiques dans l'optique de faire des ajustements créatifs, constructifs, non pas des confrontations destructrices, là, mais des confrontations qui peuvent amener l'individu plus loin tout en respectant naturellement sa sensibilité dans une optique de respect. Autrement dit, plus que la personne va être capable d'être ajustée par d'autres personnes, puis plus qu'elle va monter vibratoirement, et plus que son taux vibratoire va être élevé, puis plus qu'elle va être capable d'intercepter davantage d'informations, et plus à ce moment-là, elle va être capable d'horizontaliser son rapport avec la hiérarchie vibratoire, donc de l'égaliser. Le but ultime du processus de la fusion et d'intégration énergétique, c'est que l'individu sur le plan physique, biologique, ait une capacité d'accès au réel d'une manière égale aux entités qui ne se sont jamais incarnées sur le plan matériel, c'est-à-dire celles qui résident encore sur le plan éthérique et qui n'ont pas été entachées par le plan astral, le phénomène de l'involution, la descente de l'âme dans l'énergie, l'inconscience. Donc, c'est l'individu qui a passé par l'inconscience qui devient aussi conscient que les êtres ont toujours été conscients sur le plan éthérique avant l'existence de la création du plan physique, plan biologique. C'est ça, la finalité du processus. Donc, c'était un enregistrement qui portait sur la hiérarchie vibratoire. C'est sûr que je pourrais aborder d'autres considérations, là, ça finit plus en lien avec ça, parce que la hiérarchie vibratoire est présente partout dans nos vies. Tous les objets, tous les gens qu'on rencontre, tous les moyens de transport, toutes les émissions de télévision, les vidéos sur Internet, les livres, ils ont tous des taux vibratoires. Puis chaque élément qui a un taux vibratoire distinct peut être hiérarchisé par rapport à d'autres. Donc la hiérarchie vibratoire, tous les éléments qui nous entourent peuvent être quantifiés sur le plan énergétique. Donc on pourrait en parler pendant longtemps. Bon, là-dessus, je vous laisse. Je vous remercie de votre écoute. Et en terminant, ben, je tiens à remercier ce début de l'année 2021. Donc, sincèrement, les gens qui m'ont fait parvenir de l'argent par PayPal et également là, au Interac. Donc, c'est sûr que c'est grandement apprécié pour me soutenir dans mes activités là, de diffusion web, là, pour les gens qui voudraient me faire parvenir donc de l'argent par PayPal et Interac maintenant, vous allez retrouver les informations à ce sujet en bas de l'enregistrement présent dans la section là, qui permet là, de mettre des informations écrites. OK, au revoir.